Le virage visible à cette distance tourne à droite. Le panneau annonce un virage dangereux qui tourne à gauche. J'en déduis que le virage le plus dangereux n'est pas celui-ci, mais bien le prochain, dont la courbe doit être beaucoup plus serrée. L'emplacement du panneau à environ 150 mètres du danger m'informe que le virage difficile succède immédiatement à celui qui tourne à droite. Réponse B et C.